Micro ouvert. C'est trop chouette, c'est justement la vie ça. Les bruits. C'est la vie. Je crois que je viens de le dire, je ne sais même plus déjà. Bon, on se retrouve place Julien Dillens. Et quelqu'un qui sait, c'est qui ce type? C'est un sculpteur belge. C'est qui? Un sculpteur belge. Ah bravo, bravo. On rigole parce que c'est de l'impro totale là. Waouh, t'as bien vite. Voilà. Ouais. Et donc on se retrouve sur la place Julien Dillens à Saint-Gilles, quoi. Hein. Et c'est un peu le quartier général des gens que je rencontre aujourd'hui. C'est ça? C'est un peu le quartier général ou pas forcément? Je rencontre un peu celle qui a organisé la rencontre, qui s'appelle Natacha. Ouais, mais c'est un peu Saint-Gilles, c'est un peu notre coin. Après, t'as différents coins dans Saint-Gilles. Donc, ouais, le Dillens, et puis t'as le Parvis, et puis t'as d'autres endroits, quoi. Je sais pas, Cos, t'avais pas l'air convaincu? Attends, Cos, c'est comme ça qu'on t'appelle? Ouais, Cos. Oui, enfin, quartier général, c'est un grand mot, parce qu'on aime bien aller dans plein d'endroits différents. Mais on trouve que c'est un endroit sympa, ici. Ça permet toujours de voir, il y a des amis qui travaillent ici, et puis il y a toujours quelqu'un qu'on connaît ou pas sur la place. Donc, mais je dirais quand même, ouais, peut-être pas quartier général, sinon... Un des quartiers. Voilà, un des quartiers. C'est parce qu'il faut pas dire quartier général, sinon les autres vont être jaloux, quoi, et vont nous faire la gueule après, quoi. Et on sera plus bien reçus, donc on peut pas dire que c'est notre quartier général, quoi. Ça, c'est Cos qui vient de parler, et toi, alors? Moi, c'est Gaël. Gaël. Eva. Eh ben, chouette que vous soyez là, tous les quatre. Et l'idée, voilà, hein, comme ça, les choses sont claires. L'idée de vous rencontrer, c'est que vous vous êtes bougé les fesses pour les inondations. Vous faites partie d'un groupe, c'est peut-être bien d'en parler. Vous êtes des supporters de l'Union Saint-Gilloise, c'est juste? Oui, c'est juste. Bon, à la base, en fait, oui, on est un groupe d'amis, enfin un groupe de supporters, etc. Mais l'action en question, on ne l'a pas fait au nom du groupe. On ne l'a pas fait de façon officielle au nom du groupe. Dans un premier temps, ça a été les premiers contacts, entre autres, c'est Natacha qui s'est vraiment investie dans ça à la base, en tant que citoyenne, simplement. C'est Natacha qui lance l'idée, hey, les gars, les filles, si jamais on... Ouais, Natacha, en fait, elle était... elle a été touchée par ça, elle y est allée une première fois. Et puis elle nous en a parlé. Et nous déjà, on a déjà fait, en tant que groupe de supporters dans le passé, on a déjà fait des actions, que ce soit des collectes de vivres pour les restaurants du cœur, que ce soit pendant le confinement, on avait fait aussi des collectes pour aider les hôpitaux. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà en nous en tant que groupe de supporters. On a cette sensibilité-là à ce qui se passe autour de nous. Parce que c'est notre mentalité, on est supporters de foot, mais on n'est pas que supporters de foot. Et pour nous, c'est important, notre lien social, en particulier avec Saint-Gilles, avec Bruxelles. Et bon, bah voilà, là, cette fois-ci, les inondations, c'était pas à Bruxelles, mais ça nous a touchés, donc... Natacha a lancé le truc et puis après on s'y est mis un peu tous. Moi je suis allé une fois sur place aussi. Où exactement? Nous c'était à Liège et ses environs, quoi. Ouais. Liège et ses environs, en fait. Voilà, et donc à la base on est allé. Enfin, moi je suis allé là une fois et effectivement, ouais, c'était touchant et donc ça nous a conforté dans notre idée de. Ok, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose d'utile. Donc, voilà. Mais le groupe, hein, on va rentrer dans le détail, hein, mais comme ça on comprend bien. Donc, votre groupe de supporters de foot, c'est l'Union Saint-Gilloise, c'est ça? C'est les couleurs jaunes. Ah ouais, carrément, il a la montre et tout qui va avec. Et donc, vos supporters, quoi, ils sont genre combien comme ça, pour avoir une idée, pour comprendre. La tribune est composée de plusieurs groupes, et notre groupe, moi, je pense, je ne sais pas, Cos, une idée de... Donc notre groupe à nous, c'est les Union Boys, donc c'est le groupe le plus actif, le plus festif, je dirais, dans le SAD. À l'heure actuelle, on est à peu près 250 membres officiels, parce qu'on a une carte de membres, etc., pour un petit peu voir qui est qui. Donc 250 membres, mais évidemment dans les 250, il y en a qui sont plus ou moins actifs dans la vie du groupe. Parce que à la base, oui, voilà, c'est un regroupement de supporters, mais c'est devenu plus que ça, c'est devenu une famille, c'est devenu. On organise des choses ensemble. Comme quoi par exemple ? Bah déjà, tout ce qui est, si on reste dans le cadre du foot, tout ce qui est l'organisation des déplacements, des bus. Oui, quand ça joue ailleurs qu'à Bruxelles. Ailleurs, etc. Oui, voilà. Donc l'animation en tribune quand on est à domicile. Tout ça, ça demande une organisation et un groupe, quoi. Donc une structure, bon, je dirais pas qu'on a vraiment une structure parce qu'on a un côté un peu... anarchique dans l'état d'esprit, c'est-à-dire tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut donner son avis. Il n'y a pas un grand chef, un secrétaire, etc. C'est pas pyramidal. Même si au final, de façon assez naturelle, les gens qui sont le plus actifs sont les gens qui deviennent les points de référence. Mais ça, c'est la logique des choses. Quoi. C'est la vie du groupe qui fait ça. Donc 200 supporters de l'Union Saint-Gilloise, une fourchette de 200 personnes. Et vous êtes un petit groupe là-dedans. Disons que nous, on est un peu plus actifs, en fait. Nous, on fait partie des gens du groupe qui sont les plus actifs, quoi, tu vois. Vous êtes genre combien, alors ? Un actif, on est une trentaine. Une trentaine. Une trentaine, ouais. Et c'est ce groupe-là que toi, Natacha, tu lances ? Alors... Ça, c'est un peu plus complexe. Donc, concernant... Mais c'est des détails, hein, c'est pour qu'on comprenne, rentrons pas, parce que ça va, c'est pas être un... Je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut savoir... Qu'on comprenne. Non, je sais bien, mais on est plus ou moins une trentaine, et effectivement, il y a d'autres groupes, comme je t'ai expliqué aussi, qui ont une autre, enfin pas une autre philosophie, mais qui ont une autre manière de fonctionner. Et là, l'idée, c'était justement de réunir les autres membres des autres groupes, en fait. Tu vois, c'est vraiment pour faire quelque chose, comme on expliquait, la famille unioniste, en fait. Donc, ça veut dire la famille unioniste, on efface les Union Boys, les Fidèles, les Apaches, les différents groupes, et on se met en dessous de la bannière famille unioniste. Et là, on avait envie de faire vraiment quelque chose tous ensemble. Et voilà, donc c'était vraiment tout simplement pour... parce que comme Kostas vient te l'expliquer, c'est quelque chose d'humain, c'est un drame humain, c'est un drame social. Et qu'est-ce que dans tout ce marasme, dans tout ce chaos, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Et combien de personnes alors sont... Vous êtes retrouvés à combien de personnes alors ? Alors, quand on a fait les... Fourchette, dans les allers-retours, c'était... À chaque fois de nous, on était plus de 3-4, mais d'autres personnes sont venues se greffer. C'est assez particulier parce que... Comme je t'expliquais en off, t'arrivais là-bas, donc t'arrives, surtout les premières semaines, t'arrivais, et donc tu te retrouvais avec d'autres groupes, pas de supporters, mais de bénévoles. Et parfois, donc pour vider une maison ou autre, on se retrouvait... C'est un peu la même chose, hein, oui, les supporters et les bénévoles, vous voyez, pour finir. Tu te retrouves à une vingtaine, alors les pieds dans la boue, je te passe les détails, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Non, c'est... T'es comme ça, les odeurs, le mazout, les produits chimiques. Les gens aussi, les gens désemparés. Complètement désemparés, complètement perdus. Ils sont, je pense que dans la première semaine, les gens qu'on a rencontrés, c'était un peu, je pense que c'était comme dans un état second en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ils avaient conscience de ce qui s'est... Ouais, un état de choc. Ils étaient conscients de ce qui se passait, mais en même temps, ils étaient là et ils comprenaient pas, enfin, ils arrivaient pas. Et donc nous, on était là en étant, nous on a fait les allers-retours. Donc vous avez Bruxelles et Liège, Bruxelles, Liège. Donc du coup, t'as, comme on dit vulgairement, t'as pas le nez dans la merde en fait. Donc on est beaucoup plus rationnel. Ok, donc t'arrives dans, je vais donner un exemple, comme je t'expliquais en voix off, t'arrives dans une maison, ok, bonjour Natacha, Pierre, Paul, Jacques, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ok. Et donc t'as genre 10, 15 personnes qui débarquent, 20 personnes qui débarquent chez toi. Ok, tu gardes ça, on jette ci, on jette ça, on garde ça. Ok, bon les gars, on y va. Et ils sont spectateurs de ça en fait, tu vois, donc tu arrives chez eux, dans leur intimité, dans leur chaos en fait. Spectateur, mais moi j'ai discuté après, moi je suis allée il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai attendu que le rush soit passé, les gens étaient vachement reconnaissants hein, de tous ces gens, toute cette solidarité en fait, c'est génial. Tu sais, je vais dire honnêtement, c'est le côté où c'est assez ouf parce que tu avais des gens de Flandre, donc des Flamands, tu avais des Français, tu avais toutes sortes de personnes, et c'est là que tu te rends compte que en fait, le problème de communautarisme, c'est juste politique en fait. Et au-delà de ça, on a fait quelque chose aussi, on a pallié au manquement de l'État. quelque part. Parce que je veux pas incriminer tel SBL ou tel groupe, genre la Croix-Rouge et tout ça. Ils ont fait leur taf. Nous, on était là, on a vu ce qui s'est passé. On a vu, comme je t'expliquais, trop, quand tu lis des messages des habitants trop sur les groupes d'entraide, nous sommes abandonnés, on se sent seuls. Et que tu te dis, comment on a pu abandonner? Comment est-ce qu'en tant qu'être humain, tu sens que tu peux avoir ce sentiment d'être abandonné? C'est un sentiment qui est juste horrible. Mais comment ça se fait que trop, donc c'est un bled, toujours dans les environs de Liège, ouais, qui dit... qu'il s'est... Alors, faut pas oublier... Explique un peu pour qu'on comprenne pourquoi ils disent ça, qu'ils sont abandonnés. Les médias ont parlé des grosses villes, enfin pas des grosses villes, mais de certaines villes. Donc du coup, les premières villes dont on a parlé beaucoup, c'était Pépinster. C'est Pépinster, Serein, Verviers, ce genre de... les plus grosses villes. Du coup, ce qu'il y a, c'est que les premiers jours, les bénévoles venaient de manière spontanée, avant que tout se mette en place. Il faut savoir que les coordonnateurs des bénévoles et des aides, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens, ce ne sont pas des gens d'ASBL ou quoi. Ce sont des gens qui étaient en congé, qui ont pris congé, des monsieur, madame, tout le monde, des policiers, des cuisiniers, des tout, qui ont pris congé, des gens de la région, parce que la région est en train de souffrir, quoi. Et donc, ils ont coordonné tout ça. Donc, les premiers jours, les gens allaient de manière spontanée. Donc, du coup, tu allais à Pépinster, tu te retrouvais avec un nombre de bénévoles incroyable, parce que c'est comme ça que ça se faisait, donc les premiers jours. Le temps que tout se mette un peu en place, donc effectivement, il y a des coins qui ont été abandonnés. Donc ils étaient moins médiatisés alors. Donc ça veut dire qu'il y avait moins de gens peut-être qui utilisaient les réseaux sociaux et pour dire hey, les gars, on est là aussi. C'est ça ? Ils ont passé le message. Vas-y. Ouais, y a ça. Et puis je pense aussi, il y a à trop en particulier, il y a aussi, j'ai l'impression, la géographie du lieu, du village. En fait, le village est d'un côté de la rive, et il y a un pont et il y a la rivière. Et en fait, le pont a été abîmé, et c'était pratiquement le seul pont par lequel on peut passer pour aller au village en question. Donc je pense qu'il y a aussi ça, il y a ce côté, voilà, le pont, c'est ce qui nous relie, entre guillemets, à la terre, au reste. Et comme il était abîmé, donc, c'est-à-dire plus des camions, des charges lourdes, etc., je pense que ça a encore augmenté cette sensation d'abandon. Et en plus, c'est un magnifique village. C'est un peu triste à le dire maintenant, parce que voilà, je l'ai vu en zone de guerre, parce que c'est vraiment la sensation qu'on a, hein, quand on y va. Mais l'endroit en question est juste magnifique. Enfin, il y a une rivière, il y a des collines avec des forêts. C'est vraiment magnifique comme endroit. Mais en même temps, c'est le genre d'endroit où s'il y a un pépin, t'es isolé. Et donc je pense que ça a dû vraiment jouer sur leur morale. En plus du fait que forcément, il y a eu des morts à cet endroit-là. Il y a des gens... on nous racontait une maison où on a vidé. Ils nous racontaient les voisins. C'était un couple de personnes âgées qui sont restées plus de 24 heures avec 1,80 m d'eau. Accroché un meuble parce que c'était une maison sans étage. Donc les gens, ils étaient pendant plus de 24 heures dans l'eau froide. Des personnes de plus de 80 ans. Quoi. Ils sont devenus quoi, ces gens ? Ils étaient à l'hôpital. Enfin, quand nous, on est arrivés, ils étaient à l'hôpital. La maison doit être rasée. Quoi. Donc à un moment, nous, on commençait à vider. Et puis... Il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais plus qui c'était, un responsable ou quoi, qui a dit non, mais regardez, là, il y a une fissure, la maison est plus stable, sortez, et elle va être rasée. Et donc, il y a toutes des histoires comme ça. Il y a un trash, quoi, en fait. Oui, c'est hyper marquant. Ou bien une autre maison où on arrivait, où il y avait un petit jeune, je dirais 25 ans, avec trois potes à lui, qui était en train de nettoyer la maison de sa grand-mère. Et qui était. Et on voyait que. Le gamin, il était complètement paumé. Enfin, il essayait de faire avec les moyens du bord, avec ses trois potes, mais ça se voyait que s'il avait continué comme ça, mais il aurait pu mettre 10 mois, 1 an, 2 ans pour nettoyer cette maison. Et là, on est arrivé, justement, le groupe où qui s'était formé de façon assez naturelle. Donc il y avait nous, plus d'autres gens qui sont venus se greffer. Et on est rentré dedans. Je crois qu'on est rentré, on devait être 20, 25 dedans. Pour nettoyer, et en avant, on nettoie tout et sortir des sacs entiers, des seaux de boue, de vases qui étaient dans la cave. Et ça, pendant une heure, enlever la vase, c'était une heure à peu près. Une heure et demie. Enfin, vraiment un truc de dingue. La force du groupe quand on entend ça aussi, c'est hallucinant ça. On oublie hein, qu'à plusieurs, on est fort. Attends, parce que sinon on n'entend pas aussi les autres. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ces inondations? Voilà, quelque chose qui vous a marqué. Parce que moi j'aimerais aborder la chose en disant mais c'est génial que les gens se bougent le cul. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a pris cette fois-ci de bouger pour ça? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Ça, c'est la seconde, vous voyez, mais pour faire un peu ici autour de la table. C'est assez simple. Déjà, on est un groupe qui bougeons. Non. Avant de poser cette question qui est pourquoi vous vous êtes bougé cette fois-ci, c'était de dire, tiens, parce qu'après les inondations, toi, tu y étais. Oui. Bah ouais, en fait, je dis ça, mais ça tombe, tu y étais peut-être pas. Ah voilà, tu y étais. Et qu'est-ce que tu as envie de raconter de ce que tu as vu, ce qui. Voilà. Bah moi j'ai surtout envie de raconter les émotions qui m'ont traversé pendant cette journée. En plus c'était la première fois, c'était une journée spéciale vu que c'était le 21 juillet. Donc du coup c'était l'opportunité d'avoir congé au bureau pour se dire allez on va être utile pendant cette fête nationale. Et ça a été plusieurs fois on a entendu pendant cette journée que finalement la fête nationale elle se passait dans les villages sinistrés et pas à la place des palais à Bruxelles. Et c'est vrai, parce qu'effectivement, comme disait Natacha, il y avait des Flamands, il y avait des Wallons, il y avait des Bruxellois, et on était tous ensemble pour la même cause, pour la même envie d'aider les gens, des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus. Et c'était juste beau à vivre cette journée. Tu as vécu ça avec les autres et les autres, vous étiez, comment dire, contents de ça, quoi, avec les autres. Ah, on était super contents. D'ailleurs, 21 juillet, on fait un barbecue chez mamie. Un rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, hein, voilà, là où vous étiez, ouais. Le petit jeune, pour nous remercier, il a dit, en tout cas, moi, l'année prochaine, je sais que je serai ici, le 21 juillet, je fais un barbecue, tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'est juste ça, quoi. C'est Liège et ses environs, donc c'est déjà des gens dans leur mentalité qui sont déjà hyper accueillants. Je dis, même dans ce... Quand j'étais à Angleur un jour, c'est un gars tout seul, complètement paumé, vraiment paumé. Et le gars, on est retourné parce qu'on n'était pas loin de chez lui. On est retourné quelques jours après à Angleur. On est retourné, on l'a appelé parce qu'on a pris les numéros de téléphone de toutes les personnes chez qui on est passé. Et on l'a appelé, on va, tiens Eric, tu es là et tout, ouais, je suis là et tout, on passe te faire un coucou. Ah oh, ok, super gentil, on venait de passer une semaine avant chez lui en fait. Et c'est des gens, ils ont tout perdu parce qu'il faut bien se rendre compte que les assurances, ils vont galérer. C'est pas des gens qui ont déjà des moyens de dingue, on va pas se mentir. Donc, et on est arrivé, genre on était 7-8 avec des bénévoles qu'on avait rencontrés sur le chemin. On dit viens, on va passer prendre l'apéro. Parce que ça fait du bien aussi de décharger ses émotions après une journée comme ça. Et le gars, il nous a... Enfin, tu vois, je sais pas, on a été reçus comme des princes. Les chips, les trucs, les machins. Et tu vois, c'est parce que c'est déjà dans la mentalité, dans ce coin-là, en fait. Donc... En même temps, j'entends bien ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on dit que le Liégeois est quelqu'un de sympathique. Et en même temps, on dit que le Flamand est un gros fainéant. On dit que le... J'oublie l'inverse. C'est l'inverse, hein. Oui. Tu vois, voilà. Tu vois. Et toi... Toi, t'as pas nettoyé, toi. Ah, mais dis donc. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était pas possible pour moi de me déplacer. Tu dis? C'était pas possible pour moi de me déplacer à ce moment-là. Oui, ça arrive. Mais il nous aide de toute façon. Tu dis? Gaël nous aide d'autres façons. Il nous aide pour la mise en place de des collectes qu'on est en train de faire, etc. Des collectes qu'on est en train de faire? On est en train de faire des collectes en ce moment. Collectes? Pardon, j'étais en train de manger. Des collègues. J'étais en train de manger. Donc je comprends rien là. J'étais en train de manger, donc on n'entendait pas bien. Oui, des collectes. On a commencé à faire une collecte de matériel pour les écoles, les enfants, des jouets, des choses comme ça. Finalement, bon, tous ces jouets-là, finalement, on va les envoyer ailleurs que les écoles où on pensait les envoyer, parce qu'en fait ces écoles-là nous ont dit mais ça ne sert à rien, nous on est submergés de dons, donc on va rediriger ça vers d'autres structures, d'autres ASBL, etc. Donc ça c'est une première collecte qu'on fait, et on fait aussi une collecte d'argent. On a ouvert une cagnotte sur un site, je ne sais plus quel site de... Cotisup. Ouais, voilà, Cotisup. Une petite cagnotte aussi. Et ça, en fait, c'est, cette collecte et la cagnotte, le week-end passé, là, qui vient de passer, l'Union Saint-Gilloise jouait contre le Standard de Liège. Donc on avait, comme le Standard de Liège, bah voilà, c'est l'équipe de football de la région, etc. On avait mis un petit peu cette journée comme... un point pour un point de ralliement, etc., pour vraiment essayer d'impliquer les autres supporters qui viennent voir l'Union, pas simplement notre petit groupe à nous. Et parce qu'on sait en fait qu'en général, à chaque fois qu'on fait ce genre d'action, les supporters de l'Union sont des gens très généreux. J'adore comment tu dis ça. Oh. Mais c'est vrai, mais généreux dans pas de façon pécuniaire, mais dans l'âme, dans le cœur. Et donc même des gens qui n'ont pas grand chose, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'Union, c'est aussi, ça représente aussi une frange de la population bruxelloise qui n'est pas la plus favorisée, malgré ce que veulent nous faire croire à l'heure actuelle les médias, où ils disent que oui, l'Union, c'est l'équipe des bobos, des gens qui ont des moyens financiers et tout. C'est faux. C'est faux. Il y a aussi toute une base des supporters de l'Union qui viennent des Marolles, qui viennent du centre, qui viennent de Saint-Gilles, les côtés moins chics et moins matu-vus de Saint-Gilles, des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais même ces gens-là, ils sont toujours open et ils disent « Ah mais ouais, bon, j'ai pas d'argent, mais j'ai préparé une confiture », enfin des bêtises comme ça, mais il y a toujours un geste, il y a toujours quelque chose, quoi. Et de nouveau, là, ils ont répondu avec les jeux, etc., qu'on a ramassés pour les enfants, mais donc il y a deux cafés en face du stade où ils pouvaient déposer. Ah, il y en a trois, ouais, trois. Ouais. Donc un au parvis et deux en face du stade, et c'est bondé. Moi, je suis encore passé dans un des cafés, ouais, aujourd'hui, ce matin. Toute la cave est remplie. Enfin, jouets alors ? De jouets, de matériel scolaire, bricolage, jeux éducatifs, livres éducatifs, enfin un peu tout, quoi. Je croyais que tu disais que ça ne fonctionnait pas hors micro. Je ne savais pas, en fait. J'ai pas encore été voir la cave, en fait. Et j'étais un peu... Parce que souvent, quand on fait des récoltes, ça démarre toujours très lentement. Ça démarre. En fait, les récoltes, c'est rien à faire. C'est du marketing, c'est de la communication. Tu dois sensibiliser. Si tu veux jouer avec les réseaux sociaux, ça prend du temps, de l'énergie. Ben, voilà. Et donc, ça, tu ne savais pas ici que... Bah, je suis perturbée, moi. J'y vais demain, enfin après-demain. Et au Louvre, quand moi j'ai été déposer des livres, parce que pour mettre des livres dans des bibliothèques et dans les écoles, ben, on faisait presque la file pour aller déposer des sacs de fournitures scolaires. Donc ça marche, quoi. Y a les gens ont envie de contribuer de cette manière, en tout cas s'ils peuvent. Comme disait Costas, les unionistes sont globalement très généreux et très touchés de ce qui s'est passé à Liège. Sûrement pas que les unionistes, hein. Non, mais bon, voilà, nous... Il s'agit de ça, on parle de vous. Nous, on vise notre groupe de supporters, et donc du coup, c'est à eux qu'on a demandé. Après, sans doute, il n'y a pas que eux, mais bon, là, c'est pas écrit sur notre tête, donc on ne sait pas. Oui, mais là, sinon, tu dis... Ben, tu comprends ce que je veux dire, hein. Sinon, voilà. Mais donc, la nouvelle question que j'avais envie de vous poser, c'est vraiment ça m'intéresse vraiment d'entendre... C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous bougez les fesses ? Parce qu'il y a plein, on pourrait se bouger régulièrement, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous vous bougez, vous allez nettoyer, vous passez, si je comprends bien, plusieurs jours, des allers-retours. Qu'est-ce qui vous motive cette fois-ci ? Mais déjà, je pense que c'est déjà dans notre ADN en tant que personne, d'être engagé. Tu vois, ça fait déjà partie de nos personnalités. Toi, tu fais quoi d'autre ? Par exemple, on a fait des actions pour Bruxelles, qui est une SBL, en fait, qui... je sais pas si t'as... Je développe ou pas vite. Les bandes hygiéniques pour les femmes qui vivent dans la rue. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait on a organisé des récoltes. Quand tu dis « on », c'est qui ? C'est le groupe, de nouveau. C'est les groupes, c'est différentes personnes du groupe. Et de nouveau, et comme ça rejoint un peu ce que Costas disait, c'est qu'il y a eu une récolte. Donc, c'est-à-dire que les gens pouvaient venir déposer les serviettes. Et à côté de ça, on a fait des ateliers aussi. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des serviettes, ça coûte la blinde, des serviettes, on ne va pas se mentir. Après, l'idée, c'est aussi impliquer des gens de notre groupe. Tu as des gens qui sont un peu plus précarisés de notre groupe, et c'est les impliquer. Quand tu impliques quelqu'un dans une action, bah, ça, au niveau de ton estime, ça, tu te sens impliqué, tu fais partie d'un groupe, et c'est important. Donc, c'est à double sens quand on fait des choses, c'est-à-dire, on le fait pour la société, j'ai envie de dire, mais aussi pour les gens de notre groupe aussi, parce que c'est important de se sentir appliqué, quand tu fais partie d'un groupe, ben voilà. Il y a le groupe, moi j'avais un peu oublié, en fait, votre groupe de supporters, en fait, ils se bougent pas simplement pour les inondations, pour plein de trucs, quoi, c'est ça. Moi, je parlais plus, oui, en tant que personne. Moi, pour les inondations, en tant que personne, ben voilà, je vais te répondre vraiment comme ça, donc moi, comment je l'ai vécu. Bah déjà, c'est quelque chose qui te touche parce que c'est quelque chose qui peut t'arriver à toi aussi. Je veux dire, on n'est pas à l'abri ici aussi. Et pour... Il y a un arbre qui tombe, hein. Ouais, je dis ça parce qu'il y a un immense arbre. Une catastrophe naturelle, ça peut arriver. Donc, je pense que, voilà, moi déjà, ça m'a touché. Et la deuxième chose, ma fille est née. Ma fille est née, ouais. Elle voyait ça, etc. Et elle voyait Natacha qui en parlait sur... Elle voyait ça à la télévision. Elle voyait la situation, etc. Enfin, ce qui... Elle voyait ça à travers l'écran, quoi. Oui, à travers l'écran, oui, pas sur place. Hein. Donc elle regardait ça sur les réseaux. Et entre autres, elle voyait ce que Natacha publiait. Et elle m'en a parlé. Elle m'a dit, ah, mais papa, tu vas aller toi aussi aider Natacha. Et je lui ai dit, ouais. J'ai dit, ouais, parce que... J'ai réfléchi, en fait, souvent, j'ai souvent, j'organise des trucs ou j'ai souvent des dialogues sur le bien de la société, le fait qu'on vit dans une société qui part en couille et où il n'y a plus d'entraide ou beaucoup moins qu'avant, etc. Enfin, c'est quelque chose qui me marque, moi, déjà, en tant qu'individu, et j'en parle souvent. Mais parfois, j'en parle beaucoup et j'agis pas toujours. Et là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, tu vas agir pour une fois, tu vas te bouger. Comme on disait, c'était le 21 juillet, t'as congé. Mais j'avais pas mes filles. Mes filles étaient à l'étranger avec leur mère. Donc, moi, j'y suis allé. Et donc, voilà, à la base, c'est ma fille qui m'a poussé. Enfin, poussé, entre guillemets. C'est bien de joindre les actes pour finir aussi à une pensée, quoi, au fond, non ? Ça t'a pas fait du bien ? Si, à fond. Et puis justement, pour une fois, je me sentais cohérent, quoi. Je me sentais cohérent dans ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants. Qu'est-ce que tu essayes d'inculquer à tes enfants ? En gros, hein. Le partage, le fait qu'on est tous des êtres humains, que même s'il y a des différences, extérieures de... social ou quoi que ce soit, mais au final on est tous les mêmes, quoi. Et donc essayer de faire un partage, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'important, surtout quand on a la chance d'être un petit peu privilégié par rapport aux autres. Si on peut essayer un petit peu de partager, ne fût-ce que du temps, je parle même pas d'argent, je parle du temps, de prendre sur son temps libre, donner ça aux gens sans rien attendre en retour, en fait, au final. Enfin, on n'attend rien en retour, mais on a reçu tellement. Au final c'est nous qui sommes gagnants, quoi. Et moi, je voulais vraiment montrer à mes filles, voilà, votre père il parle beaucoup, mais il agit aussi de temps en temps. Donc c'était, à la base, je dirais, c'était peut-être un petit peu égoïste et personnel, mais ça partait de bons sentiments, et j'avais envie d'aider, et je regrette pas du tout, et je suis content, je suis fier de... Et je sais que ma grande, après, quand elle a vu que j'y suis allé, etc., qu'elle a vu mes vêtements, dans quel état je suis rentré, elle a dit, ah ouais, ok, quand même, quoi. Et elle a dit, ah, je suis fier de toi, papa. Et donc, moi, j'ai ma gamine qui dit ça. Je suis gagnant, merci, au revoir, quoi. Ça te donne pas envie de recommencer pour autre chose ? Bien sûr, mais j'arrête pas. Du coup, t'arrêtes pas ? Ces derniers temps, ça va, je me suis un petit peu calmé parce qu'on a fait d'autres projets en tant que groupe de supporters, mais ça, c'est une autre histoire. On avait d'autres projets, d'autres trucs, mais en fait, on n'arrête pas. notre groupe, on n'arrête pas, on se met sur un projet, on termine un projet, on en recommence un autre, et puis parfois on fait trois projets en même temps, ça se chevauche, ça devient le bordel, et on devient fou, et on commence à s'engueuler. Enfin bon, bref. Et on oublie, et on devient fou, et parfois on se demande, mince, quand à côté de tout ça, on a quand même un boulot à assurer, on a pour certains une famille. Enfin voilà, ça fait quand même plein de choses, quoi. Et parfois on se dit, mais putain, dans quoi je m'embarque? Mais en même temps, c'est de nouveau, c'est la dynamique de groupe, l'énergie qui en ressort au final, quoi, qui est tellement intéressante, quoi. Je vais rebondir une petite anecdote. Quand on avait fini les ateliers pour Bruxelles, je me souviens que Natacha nous avait dit, bon ben là on va un peu se calmer, hein, on va peut-être penser à nous, on va peut-être arrêter, enfin on va peut-être juste un peu se calmer. Et je pense que ça a duré quoi, 48 heures. On était reparti sur je ne sais plus quel projet. Voilà. Bah oui, c'est pourquoi tout ça? Pourquoi vous faites ça? Costa, on a pu rentrer vraiment un peu plus dans ton intime, comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Je comprends que tu avais envie d'un peu... Allez, on se bouge les fesses, là, parce que ça suffit. Hein. Et vous? Parce que toi, tu parlais aussi du groupe. Oui, d'accord, mais toi, tu te racontes quoi dans ta tête? Moi, ça me semble tellement... Tu, hors micro, t'étais en larmes? Moi, je suis une grande sensible. Ah ouais, vraiment, hein? Je suis hyper sensible. Je peux être très, très dure et à la fois hyper sensible et verser une larme quand je vois un chien à trois pattes ou quand je suis face à une situation parce que c'est des drames humains et que j'ai un côté humain qui est, je pense, assez, assez exacerbé. Et voilà, et pour moi, c'est naturel. Et dans un groupe, il y a des gens qui fédèrent d'autres gens. Je vous casse pas les pieds, j'ai pas l'impression de vous casser les pieds. Si, un peu quand même. mais voilà, à un moment donné, tu as toujours des gens, j'ai toujours une idée ou un truc, ou tiens, ça, oh, c'est sympa, machin, les gars, parce que j'ai du temps libre aussi dans ma vie et que. Autant l'utiliser à ça. Et c'est, pour moi, c'est naturel. Je me dis pas, ah tiens, j'ai été éduquée comme ça. J'ai été éduquée une mère catholique polonaise. Donc... Ah, le catholicisme. Mais tu vois, c'est, j'ai été éduquée à ça, en plus polonaise. Donc t'imagines le level, quoi, tu vois. Le level. Attends, mission catholique polonaise et tout, laisse tomber. C'était là où je passais mes dimanches gamine. Mais je pense que ça m'a marqué dans mon mode de fonctionnement aussi, ce côté. Et puis, ce côté. Aider, certaines formes d'altruisme aussi, tu vois, de faire ça sans rien attendre, parce que c'est normal. Et parce que parfois, il faut pallier à certains manquements. Parce que je pense que l'État, je dis pas qu'elle joue pas son rôle, mais elle ne peut pas être présente ou n'est pas présente. Je interprète ça comme tu veux. Mais parfois, c'est comme tout, en fait. Parfois, il faut l'aide de monsieur et madame tout le monde pour pallier à ses manquements, quoi. Et donc, en fonction de ta personnalité, t'es amené à faire des choses. Et je pense que j'ai ça en moi aussi. Après, voilà. Et puis, j'ai aussi des gens qui ils se plaignent, mais sont les premiers à m'aider dans mes idées les plus dingues, même au niveau timing et tout. Mais je pense que, voilà, c'est ce qui nous réunit tous. On a des personnalités complètement différentes. Mais après, je pense qu'on a une base au niveau d'hypersensibilité. Même toi, Gaëlle, si tu dis pas grand-chose, je pense aussi que c'est comme ça. C'est ce qui nous unit tous ici. Donc, et là, je reviens avec cette notion de groupe aussi, tu vois, au final. T'as ces individualités et puis c'était cet effet de groupe qui fait que tu te sens un peu, tu vois, la légende amérindienne sur le colibri, en fait, c'est l'ensemble des petites choses, en fait. En gros, t'as un incendie en forêt, machin, et t'as le colibri. Justement, l'histoire du colibri, celui-là, je le supporte plus, moi. Tu sais pourquoi? Ah non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire à la radio. Mais en tout cas, le colibri, à la fin, vous savez qu'il s'épuise. Il meurt à la fin parce qu'il s'épuise. Hein. Oui. Il n'y a pas. Donc, c'est un peu ça aussi l'idée. C'est vous avez. Je vous rencontre comme ça en individu. Là, on en était au colibri et disait que le petit colibri, en fait, ça a coupé, en fait. Hein. Ça a coupé parce que ma carte est pleine. Ça. Hein. Oui, enfin, un burn-out. Voilà. Mais donc. Le petit colibri s'épuise. Et c'est ça que j'avais envie de dire, c'est que quelle est votre vision politique, pas au sens partisan, on s'en fout, mais comment vous voyez un peu les choses? Parce que évidemment là on se bouge pour les inondations, machin, mais je veux dire, il y a plein de choses qu'il faudrait qu'on se bouge pour changer. Vous voyez, il y a des gens qui dorment dans la rue, là. Enfin, c'est... Moi, je vois la chose que si on commence à s'occuper de tout et à être touché partout, c'est pas possible, on devient fou. Hein. De temps en temps, il faut mettre de côté un petit peu justement ce côté altruiste qu'on peut avoir et respirer, parce que si on commence à se dire « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », bah, on en revient, comme tu disais, le colibri, on meurt. Quoi. C'est pour ça qu'il faut une action, peut-être avec des armes et des choses comme ça. Non, je rigole, hein, parce que c'est pour que tu comprennes qu'il faut peut-être, du coup, oui, être moins dans le... dans l'affectif et se dire bah tiens il faut agir concrètement, faire, vous voyez, est-ce que vous avez pas des notions comme ça, parce que là on parle oui de générosité, d'altruisme, de l'église. Ça c'était mon éducation, enfin je veux dire je vais plus à l'église depuis déjà bien des années, mais après là, on parle aussi, il y a une différence entre des actes qui sont individuels et la notion de groupe. De base, nous, on est un groupe de supporters. Donc du coup, nous, en tant que groupe de supporters, c'est l'animation de la tribune et tout ce qui touche autour de la tribune. On n'est pas obligé de parler uniquement, on ne va pas parler uniquement de la tribune. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a deux choses, en tout cas... Mais ça fait, non, mais ça fait partie de nous aussi, parce que de base, nous, notre connexion, c'est ça. Et après, il y a toutes les activités en tant qu'individu qu'on fait chacun de notre côté. EPA est hyper engagée vis-à-vis des migrants, elle fait pas mal de choses aussi. Donc il y a plein d'actes, il y a plein de choses qu'on fait au niveau individuel et qu'on fait pas forcément en groupe aussi, tu vois. Donc après, c'est chacun en fonction de son équilibre. Ok, mais est-ce que tu as compris ce que je voulais dire, que c'était... Ok. Mais... Comment on voit plus, dire plus... Oui, mais plus une... Être dans quelque chose... bon, il y a les militants. Vous voyez, c'est quoi les militants ? Il y a les partis politiques. Il y a... comment vous vous situez là-dedans ? Comment vous voyez, par exemple, le fait... Bon, il y a eu le Covid qui a débarqué. Il y a eu le fait qu'on plus, on peut plus... Enfin, ça a dû vous manquer, ça, de plus vous voir, plus... Qu'est-ce que c'est que ce monde, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Voilà, comment... Qu'est-ce qui se prépare pour demain ? Comment vous voyez le futur ? Ou bien vous posez pas trop de questions et vous vivez au jour le jour ? Moi, je le vois en la désobéissance. Voilà. Comme avec le Covid, ben, moi, perso, j'ai jamais respecté leurs règles débiles. Voilà, je pense que... voilà, on a dit qu'on parlait plus de la tribune, mais même en tribune, on ne respecte pas totalement toutes les règles. Je pense que la désobéissance est nécessaire quand le monde va mal, c'est tout. Et tu trouvais ça nécessaire dans quel sens, pour qu'on comprenne un peu ? Dans quel sens ? Quel sens ? Ben, tu dis, moi j'ai désobéi, j'ai pas respecté tout, parce que là, ça semblait vital. C'est pas toi qui as utilisé le mot vital, c'est moi. Mais je te demandais de donner un exemple pour qu'on comprenne qu'est-ce qui était super important et de désobéir là, et bien en fait. Moi perso, ben, j'habite dans un petit appartement toute seule, et quand il décrète que je peux voir une personne, non, je m'en fous. Enfin, moi, mes liens sociaux, je les fais dehors, je les fais avec mes amis, je les fais au café, je les fais au travail, et donc c'est super important. C'est très important pour les gens d'être entourés, d'avoir un contact social. Quand après 6 mois, j'ai vu mes parents de loin, j'avais l'impression qu'ils avaient pris 10 ans dans la gueule parce qu'ils n'avaient plus de contacts sociaux. On ne se rend pas compte à quel point c'est super important. Les contacts sociaux et le fait de se toucher et le fait de se donner un bisou et de s'embrasser et de faire finalement ce qu'on veut au moment qu'on veut, c'est super important. C'est tout. Moi, je parlais ma vision. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez pessimiste en général. Et ma vision en tant que père est assez horrible, quoi. Je rigole parce que c'est... La société, le monde qu'on va laisser à nos enfants, mais il y a des fois... Franchement, là, c'est parce que mes gamines sont un peu plus grandes et tout, mais je devrais faire un enfant maintenant, à l'heure actuelle. Je suis pas sûr que je ferai des enfants, vraiment. Alors, je suis le plus heureux des pères, je suis très content, je suis très fier, j'aime mes filles, etc. Et pour rien au monde, je ne regrette et je ne ferai, et je le ferai pas. Mais si j'avais, par exemple, 15 ans de moins et que c'est maintenant que je devrais me poser la question de est-ce que je fais des enfants ou pas, moi, avec ma façon dont je vois la société et le monde actuel, je pense que je me poserais la question plus d'une fois avant de faire un enfant, parce que c'est pas seulement la société qui va mal, c'est tout, quoi. C'est tout se casse la gueule au niveau social, au niveau environnemental. Et surtout, donc il y a des choses très graves qui se passent et tout. Très graves ? Dis-moi quoi ? Il suffit de voir l'état de la nature, quoi, qui est en train de nous dire stop, quoi, arrêtez de nous chier dans les bottes, quoi. Enfin, les inondations, les incendies, enfin, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, ça tombe pas de nulle part. Donc il y a déjà ça, quoi, qui est assez horrible. Et je sais pas vers quoi on va. Et alors le pire en plus, donc il y a ces choses-là qui pour moi sont des choses essentielles et importantes, et sur lesquelles j'ai l'impression que le monde politique et la société dans laquelle on vit, la société occidentale, ne donnent pas d'importance, mais à côté de ça, on donne une importance vitale à des choses qui sont des futilités pour moi. Exemple, pour qu'on comprenne, parce que sinon on décroche. L'exemple parfait, moi, c'est cette espèce d'hystérie qu'on a vécue depuis un an et demi avec le coronavirus. Enfin, je suis désolé. Ok, d'accord, c'est quelque chose de dangereux, ça tue des gens, etc. Mais pourquoi est-ce que ça a tué autant de gens ? Au final, c'est pas seulement parce que c'est quelque chose de mortel, c'est aussi parce que notre société va mal. Parce que les hôpitaux n'avaient plus les moyens, les hôpitaux sociaux n'avaient plus les moyens de gérer. On le sait très bien, parce que la sœur d'Eva, elle travaille à l'hôpital Saint-Pierre. Elle l'a dit. En fait, le plus grave dans tout ça, oui, la maladie est grave, oui, il y a des cas qui sont dangereux, mais ce qui fait qu'on a eu une mortalité aussi importante et des cas aussi graves, c'est surtout parce qu'eux n'avaient pas les moyens de soigner les gens. Parce qu'on leur dit, voilà, vous avez par exemple 100 lits, ah bah tiens, ils sont remplis qu'à 60% tout le reste de l'année. C'est la politique du néolibéralisme et en avant, quoi. Mais... c'est ça qui me rend dingue, quoi, on met des importances sur certaines choses et on met pas l'importance et le focus sur les choses qui en fait sont essentielles. Et c'est pour ça aussi que je disais comme tout à l'heure que moi je vois le monde et la société actuelle, c'est grave, c'est très grave. Mais j'ai de l'espoir. Vous n'avez pas l'impression, bon, il reste plus beaucoup de temps, mais on discute, hein, essayez de bien comprendre ce que je veux dire. C'est que évidemment. On est bombardé d'infos dégueulasses. Hein. Le monde va mal, les inondations très concrètement, les canicules les années précédentes, que je sais pas. Mais. Les notions de liberté aussi. Tu dis ? Les notions de liberté qu'on nous enlève de plus en plus aussi, à travers. Parce qu'elle me parlait de Julian Assange, ça paraît tout con. On parle d'un journaliste qui a été condamné à tort, qui a même pas été condamné, mais ça découle sur pas mal de choses. On a des libertés individuelles aussi, en fait. Et on n'en parle pas, ou très peu, les médias n'en parlent pas du tout, mais la conséquence de sa condamnation, de son extradition vers les États-Unis va avoir une influence sur ce que nous, on va faire avec les réseaux sociaux, avec... C'est important, ça paraît con, parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire, le cas de Julian Assange, mais c'est tous des petits trucs dont nos libertés aussi, on est en train de les niquer, quoi. Il y a un abus de pouvoir pour moi. C'est tout, mais le corona l'a amplifié. Je veux dire, tout ce que nos politiciens ou nos décideurs veulent nous faire avaler, ben le corona, eux, c'est du pain béni. Parce qu'ils ferment les bars à 1 heure, ils font plein de restrictions qui entravent notre liberté. Et quand je vois qu'en Espagne, il y a des gens qui sont en prison juste parce que sur Twitter, ils ont mis qu'ils étaient contre le roi, ils se retrouvent en prison, mais c'est notre liberté aussi de dire que je ne suis pas royaliste. Tu vois ? Et donc, c'est là en ce moment ou bien tu prends un exemple comme... Non, c'est il y a un an, enfin. Ou alors des artistes, des rappeurs espagnols qui se retrouvent en prison. Et c'est un fait qui pour moi est très grave parce qu'elle est où la liberté des gens ? On l'entrave de plus en plus avec des raisons qui sont même pas bonnes selon moi. Le corona, c'est même pas... Pour moi, c'est pas une bonne raison. Et je me demande vraiment si les bars vont pouvoir rester ouverts après 1 heure quand le corona sera enfin parti. les restrictions d'alcool au centre-ville. Enfin, je veux dire. Parce que tu prends tout que cet exemple-là, on va se dire putain, elle est vraiment accro à la. Non, mais oui. Pas un autre exemple. Mais par exemple, moi je bosse dans l'aménagement d'espaces publics. Eh bien, combien de fois la police nous a pas dit ben, on met pas de bancs parce qu'on veut pas que les sans-abri dorment dessus. Ou alors il faut mettre des bancs avec des accoudoirs pour les empêcher de dormir dessus. Mais alors du coup, quoi, ces gens-là, on les efface, on leur dit ben ça n'existe pas, on ferme les yeux. Ça arrange bien la population de fermer les yeux, mais au lieu de mettre des bancs avec des accoudoirs, fait quelque chose de structurel pour qu'ils arrêtent de dormir dans la rue. À fond. Non mais. C'est un très bon exemple. On est dans. Voilà, au fait, j'ai l'impression que nos décideurs commencent à gentiment nous interdire des choses pour régler les problèmes au lieu de réellement les résoudre. Enfin, ils doivent avoir un cerveau pas normal, je sais pas. Ou alors ils essayent de culpabiliser la population afin d'elle-même de résoudre certains problèmes. Donc, par exemple, comme on parle du corona, l'histoire des masques. T'imagines la population qui a dû faire des masques. Moi, j'ai fait des masques. Parce qu'il n'y avait pas de masque, on est en train de responsabiliser les gens. Si tu ne te fais pas vacciner, tu vas tuer ton voisin, ta voisine, ou ta mère ou ton père. Non, mais blague à part, mais c'est scandaleux parce qu'eux n'ont pas réussi à gérer. Enfin, ils ont coupé dans les budgets, dans les hôpitaux, dans les soins de santé, machin, etc. Donc du coup, on porte la faute sur le monsieur, madame, tout le monde. Et après, nous, on doit pallier aussi de nouveau. C'est la population à pallier à certains manquements aussi. Et donc de nouveau. Mais donc qu'est-ce qu'on peut faire pour casser cette dynamique-là? Quoi, c'est une fatalité? Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, j'ai pas la solution aussi. Hein. Première chose. Costa, attention, prenez un bic, on écoute, on note pour pas oublier. Attention, Costa. Notez, hein, parce que là, ce que je vais dire, c'est hyper important. Première chose, déjà, l'éducation. Ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel. Et l'éducation, quand je parle d'éducation, c'est pas seulement apprendre les règles, etc., à nos enfants. C'est aussi les valeurs, leur apprendre à aimer la lecture. La lecture autre que sur... T'as été étonné, là. Hein. T'as qui redresse la tête d'un coup avec le bruit, là. Ça donne bien, je trouve. La lecture, c'est important, parce que si on apprend à aimer la lecture, automatiquement, et qu'on donne des valeurs à quelqu'un, automatiquement, cette personne va être curieuse et va aller chercher des choses et va aller chercher des informations ailleurs que ce qu'on lui donne. Et en particulier, quand je parle de lecture, je mets le point sur les livres. C'est hyper important. Oui, mais ça dépend quel livre tu bouquines, hein, parce que si t'ingurgites, tu vois, c'est peut-être l'esprit critique, alors. Je suis pas d'accord avec toi. On peut commencer par des livres qui sont des bêtes romans, etc., qui vont donner l'amour de la lecture aux gens. Et après, tu vas t'intéresser, tu vas commencer à aller chercher des trucs sociaux, etc., etc. Moi, par exemple, quand j'étais gamin à l'école, je te parle de lecture maintenant, mais je détestais lire des livres pour l'école. J'ai appris à lire, mais après. Et j'ai appris en lisant des petits romans, et puis maintenant, je lis des trucs sur des personnages historiques, sur des trucs de société, etc., etc. Mais parce que moi, je le choisis, et parce que j'ai cette curiosité-là. Donc moi, je pense que ça... hyper important l'éducation et apprendre aux gens et surtout montrer aux gens qui n'ont pas forcément les moyens que l'éducation c'est pas réservé à une élite, l'éducation et lire etc c'est pour tout le monde et c'est pas s'abrutir devant une télé ou etc. Oui je le fais aussi mais de temps en temps il faut essayer de... C'est faire autre chose aussi. C'est ça le truc. Non, moi, je voulais rebondir. Tu me voyais un peu sautiller par rapport à la lecture. Parce que tu disais, oui, mais la lecture, il n'y a pas, peu importe ce que je disais. Par rapport à la lecture, donc, c'était pas spécialement des livres hyper intello. Ou même quand tu disais que ça dépend quel livre tu lis. Parce que si tu ingurgites. Non, mais c'est intéressant aussi ce que je dis, les gars. Écoutez, si tu ingurgites de l'histoire et que cette histoire te raconte l'inverse de ce qui s'est passé, vous voyez. Quand je parle de la lecture auprès des enfants, ce qui est super important, la lecture, et c'est pour ça que je dis à la rigueur, même des mangas, moi je serais contente que des gamins disent ça. Pourquoi? Parce que tu acquiers un certain vocabulaire. Quand tu acquiers un certain vocabulaire, tu arrives à t'exprimer, tu arrives à avoir des idées, tu arrives Dans les mangas, ils façon de parler. Je tombe dans un truc un peu extrême, les mangas, mais même le Club des Cinq, sans déconner, le Club des Cinq, si tu apprends la lecture, si tu apprends à avoir du vocabulaire, tu vas apprendre à pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir faire des associations d'idées. Et au fur et à mesure, ça va te permettre d'acquérir une certaine confiance par rapport aux études, par rapport à plein de choses. Tu vois, et donc c'est ça pour ça que la lecture, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et quoi, tu parlais de la lecture, mais tu quoi d'autre encore? la lecture, le sport. Non, mais... Enfin, voilà, on s'égare. Ce que tu disais, pour... Quoi, pour changer la donne de tout ça, de ce monde qui est là, de ce monde de fou dans lequel on est. Tu disais, tu parlais d'éducation, ok. On voit bien que ça part en couille, l'éducation. Oui, mais encore une fois, pourquoi l'éducation part en couille? Non, mais pourquoi? C'est juste parce que, de nouveau, on ne met plus de moyens sur l'éducation. On essaye de faire des économies, sur tous les portefeuilles de services aux gens. Et ben voilà. Et donc, ça part en couille. Et tu dis, c'est ça. Les institutions dites publiques deviennent privées comme des entreprises, mais seulement c'est géré par des mauvais managers, en fait. C'est ça le problème, parce que je peux comprendre qu'il y a une certaine notion de rentabilité, mais du coup ils sont complètement à côté de la plaque, parce que c'est des gens qui nous dirigent, c'est des fils d'eux, enfin quand je dis des fils d'eux ou des filles d'eux, c'est pas dans le côté vulgaire, mais c'est des gens qui n'ont même pas, quand ils dirigent un ministère, ils n'ont même pas les compétences concernant ce ministère, que ce soit de la mobilité ou autre, ou l'enseignement. C'est des gens qui étaient à la poste, qui étaient ci, qui étaient ça juste avant. Comment tu veux qu'ils arrivent à faire quelque chose? Non, mais le plus grand souci, c'est que c'est des gens qui arrivent à te dire que le salaire moyen minimum, c'est 5000 euros par mois. Et toi, t'es là en mode pouf. C'est pas mis en tout cas. Sorry, mais même si t'as un chouette poste où tu te plains pas, t'arrives pas à ce montant-là. Hein. C'est toutes les publications aussi sur Facebook qui alimentent ici cette discussion, hein, non? Ça aussi, non? Aussi. Il y a beaucoup de ça aussi. Hein. Oui, aussi. Hein, aussi. Et vous arrivez à dissocier ce qui se dit là-dessus, comment ça a une influence sur votre vie, sur votre pensée aussi, parce que des fois on lit des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et votre vie, où on se voit, on boit des verres. Moi, c'est simple, j'ai coupé les réseaux sociaux, tous les médias, tous les journaux, tout. Je veux plus qu'ils me racontent n'importe quoi. Comment ça, t'as coupé? Je te vois avec un téléphone, là. Non, mais je ne suis plus les journaux comme Le Soir, La Libre, la RTBF. Tu veux dire que t'es plus accro à lire tout ce qui se dit là-dessus? Mais ça n'arrive même plus dans mon fil d'actualité, donc je suis même plus au courant de ce qui se raconte. Quoi, tu te sens... Ça va? Tu te sens... Je me sens libérée et beaucoup mieux. Enfin... Ah, il y a Gaël qui va... Il n'a toujours pas parlé, hein? Fermez votre compte Facebook. Pourquoi? Parce que c'est l'enfer. Quoi, c'est ce que tu vis, t'as vécu? Non, c'est ce que j'ai fait depuis déjà 3 ans et... T'as plus de Facebook? J'ai plus Facebook. T'es pas sur Instagram ou un autre? Si, mais pas... C'est assez différent, ça. C'est différent. Ah ouais? Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Ok, ben merci Gaël pour cette... Bon, allez, on boucle, c'est terminé. Que dire sur toute cette discussion, en fait? Parce que voilà, on croit qu'on part comme ça. Non, on a parlé des inondations, on a parlé quand même de cette solidarité. Vous l'avez vu, vous aussi, vous l'avez vécu, vous y avez participé. Moi, c'est pour ça que j'avais envie de vous rencontrer et savoir, tiens, mais comment... Quelle est votre pensée par rapport à tout ça, à ce monde? Comment... Voilà, c'est un peu... Là, on est parti un peu... Hein. Comment boucler? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur tout ça? Pour boucler, on va finir sur une note positive. Le plus important, les liens sociaux. Recommençons à parler avec des gens qu'on ne connaît pas, à découvrir des gens, à s'intéresser à la culture d'autres personnes. Rien qu'autour de cette table, on a une Espagnole, un Belge, Natacha d'origine polonaise, moi qui suis moitié français, moitié grec. Rien qu'à cette table, on a déjà 5 ou 6 cultures différentes. Et pourtant, quand on nous regarde, est-ce qu'on a l'air tellement différents les uns des autres? Non, pas vraiment. Et pour moi, c'est ça le plus important, s'ouvrir aux gens, s'intéresser à l'autre, s'intéresser aux choses qu'on ne connaît pas. Goûter la nourriture, ça c'est la chose la plus géniale, je trouve, pour faire des liens entre les gens, la nourriture et la musique. Donc vraiment, revenons aux bases, revenons aux choses simples de la vie, aux choses qui font que... On est content de se lever le matin, de discuter, d'échanger. Et pour moi, c'est ça. Quand je parle de solidarité, en fait, c'est plus d'échange. Et il faudrait beaucoup, beaucoup plus de ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais si déjà on avait ça, on aurait déjà moins peur de l'autre. Et donc, en ayant moins peur, on crée moins de guerres, on crée moins de conflits, etc., etc. et apprendre à se dire, voilà, moi je pense de cette façon, l'autre personne a une autre culture, donc ne pense pas de la même façon que moi. Je ne suis pas meilleur, elle n'est pas meilleure, c'est juste qu'on pense différemment. Donc essayons de comprendre. On n'a pas forcément une autre culture, hein. On peut être de la même culture et ne pas être d'accord, et c'est pas pour ça qu'il faut se taper dessus, quoi. Exactement, et donc c'est ça. En fait, pour moi, je dirais, ma conclusion, ça serait vraiment revenir à l'humain, quoi. Revenir aux bases, revenir aux trucs simples, revenir... Ça fait vieux con ce que je suis en train de dire, mais revenir aux valeurs, quoi. Aux valeurs qu'on a peut-être oubliées en chemin. Je trouve que ça fait vieux con. Bah, certaines personnes diront que ça fait vieux con, ouais. Bah oui, parce que parfois ça peut être un discours réactionnaire. Ah, mais sortons des étiquettes, justement. Je trouve qu'on veut trop nous. Ah, lui, il pense comme ça, étiquette. Non, sortons de ça, de ces étiquettes. Maintenant, j'entends que tu aurais peut-être peur de passer pour un gros con parce que tu défends les liens avec les autres. Moi, j'en ai pas peur puisque je le défends et que j'en suis très fier et je m'en cache pas. Et il y a des gens, je connais des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que moi, mais qui savent très bien quelles sont mes valeurs et qui savent très bien qu'ils ne doivent pas me titiller sur ça parce que pour moi, c'est important. C'est le plus important, c'est le lien avec les autres. Si on arrive à retrouver ça, ça sera déjà une petite chose de faite. Ça, le lien avec les autres et le lien avec la nature, malgré tout, quoi. Il y a un arbre, là. Tu l'aimes bien, cet arbre, hein. Mais écoute, moi, je suis habituée plutôt à la nature. Hein. J'ai plus la nature qui domine. Là, c'est l'inverse, ici. Hein. T'as vu, il est tout... Mais il est beau, hein. Mais non, mais comme disait Cossès, le rapport humain, l'humain, mais pas que, aussi, la notion de... Ça paraît con, ce que je vais dire, mais pour moi, c'est quelque chose de très important aussi. Si on veut changer les choses, c'est le rapport aussi de l'être humain par rapport au travail. Tu vois, quand tu as des gens qui bossent comme des chiens, tu vois. Donc tout ça, il y a plein, plein de choses à changer. Il y a plein, plein de choses. Et je pense qu'on peut le faire, ça peut se faire, tu vois, à un moment donné. Mais je pense que ça viendra de nous. Mais de quoi qu'il peut se faire? Mais ces changements de nouveau par rapport à revenir à l'essentiel, pour replacer l'homme. L'être humain, quoi. Ben oui, mais même dans l'homme, le rapport de l'homme au travail, avec le travail, et tout ça, mais ces changements viendront de nous. Et je ne viendront pas d'en haut, ça c'est certain. Quand je dis en haut, c'est nos politiques, et ça ne viendra pas d'eux, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Donc ça ne se fera pas, je pense que je suis convaincue, ça ne se fera pas dans la douceur, mais clairement, ça, il va falloir descendre, il va falloir faire quelque chose, même si le Belge n'a pas... Descendre dans la rue, tu veux dire? Même si le Belge a du mal à faire ça, mais je crois qu'à un moment... Descendre les gens? Non, descendre dans la rue, mais ça ne se fera pas sans violence, je pense, parce que je pense qu'il y a tellement de frustration, surtout avec le Covid, parce que le Covid, au-delà des règles et machin, ci et ça, ça a vraiment mis... un œil, un regard sur les manquements, sur le fait que le gouvernement, il sert vraiment à quelque chose ou pas. Et c'est plutôt mondial. Donc il y a un éveil, il y a une conscience. Après, tu regardes en France, tu vois. Bon, en France, c'est différent. Chez nous, avant de descendre en rue, moi, les dernières manifestations, c'est dans les années 90, avec Doradio et compagnie. Sinon, à Bruxelles, je pense que... Voilà, à Bruxelles ou même peut-être ailleurs en Belgique. Mais ça passera par là, ça, c'est sûr. S'il doit y avoir un changement, ça se passera en rue. Avec nous et avec nous, les enfants de Costas, je ne sais pas à quelle génération, mais ça se fera comme ça en tout cas. Et dans la violence aussi, je pense, parce que ça a manifesté. Ou alors, je ne sais pas ce qui se fait à voir, quoi, vraiment. Mais ça se fera dans la violence à un moment ou à un autre. On devra. Une confrontation, quoi. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Moi, j'ai envie de pointer deux valeurs qui, pour moi, sont ultra importantes, c'est le respect et la liberté. Je pense qu'il faut que les gens commencent à être eux-mêmes, peu importe les conventions sociales, et tu vois, il faut qu'on arrête, quoi. Laisser les gens être libres et être ce qu'ils veulent, qui ils sont, et dans le respect des gens. Et du coup, rien que ça, je pense que ça sera déjà mieux. Mais ouais, mais essaye de peaufiner un peu ta pensée, parce que t'as cette impression-là qu'on laisse pas les gens être qui ils veulent, Et j'ai l'impression qu'il y a tellement, il y a encore tellement de tabous. Il y a encore la convention sociale est encore tellement présente qu'à un moment donné, les gens font des choses parce qu'ils doivent le faire, mais pas parce qu'ils veulent le faire. Un exemple concret pour qu'on comprenne. Un exemple concret, c'est C'est simple, moi je suis une femme, j'ai toujours pas d'enfant. Combien de fois on m'a pas demandé et alors ? Quand est-ce que tu vas te mettre avec un mec pour avoir des enfants ? Peut-être que j'en veux pas, ou peut-être que tu vois. Et pourtant, la société veut qu'on soit tous formatés. Pourtant, l'être humain, on est tous différents. Laissez-nous être différents et pas rentrer dans le moule que la société définit pour nous. Et si on accepte ça et qu'on accepte ça avec respect, je pense que les gens se sentiront déjà plus heureux. C'est simple, hein, mais c'est compliqué à... compliqué. C'est bien parce que ça fait un peu philosophique, hein. Faudrait pas que ce soit, tu sais, les valeurs comme les vieux cons, mais c'est plutôt c'est philosophique, on fait un peu de philosophie comme ça. Toi, qu'est-ce que tu auras envie de dire quelque chose, Gaëlle, en philosophie ? C'était quoi la question ? C'était quoi ? Sur tout ce qui s'est discuté ici, là, depuis un petit trois quarts d'heure, qu'est-ce que tu auras envie de rajouter ? Ce que tu veux ? J'ai pas envie d'être redondant par rapport à Eva, mais pourtant, c'est quand même... Par rapport à Eva, pardon. Une des valeurs qui est les plus importantes pour moi, c'est l'acceptation de l'autre, peu importe ce qui caractérise cette autre personne, ou ce qui caractérise, on va dire en général, la différence que peut avoir cette personne par rapport à toi-même. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est super important et qui est malheureusement encore vachement tabou de nos jours, que ce soit par rapport à sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou son expression de genre, enfin peu importe. Toutes ces questions-là, je pense... Vous trouvez qu'on est... Ouais. Pas nous ici. Non, pas nous ici. La société, de manière générale, je suis encore trop souvent confronté à des gens qui sont mal à l'aise vis-à-vis d'une personne qui exprime une différence. Ah ouais ? Ouais. Et évidemment, j'essaye à chaque fois d'apporter ma part de respect et d'acceptation à ces personnes qui ont des problèmes avec la différence. Mais en tout cas, ça, c'est une valeur pour laquelle j'essaie de me battre le plus en plus. Voilà. Tu essayes de te battre ? De te battre j'essaie physiquement de, j'essaie, Non, j'essaie de me battre pour faire comprendre aux autres, aux personnes en tout cas qui ne sont pas encore capables d'accepter l'autre sous toutes ces formes de différence. J'essaie d'apporter une vision différente à ces gens-là, quoi, quand j'en ai l'opportunité. C'est super intéressant d'entendre ça, ce que tu dis là, parce que ça fait... On a l'impression qu'on est en 2021, on est libre, le genre, on s'en fout, l'homosexualité, ce n'est plus un problème. Je pense qu'il y a des niches, c'est-à-dire qu'il y a... Moi, par exemple, je suis entouré de... La majorité des personnes que je fréquente au quotidien sont des personnes que je considère ouvertes d'esprit, qui ont des valeurs qui me correspondent, et je pense que c'est les bonnes valeurs en tout cas à avoir aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont différents, on va dire, en termes de valeurs en tout cas, donc qui par exemple pourraient se retrouver assez mal à l'aise, voire agressif avec une personne homosexuelle, ces personnes-là en général, je ne les vois pas et j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde se regroupe un petit peu. Et donc en fait, on est rarement en confrontation les uns avec les autres. Et d'ailleurs, il y a une étude, je peux pas la pointer précisément, mais en tout cas, je sais qu'à un moment, Facebook a été pointé du doigt comme étant un réseau social qui, sous forme d'algorithme, rassemblait les gens qui avaient à peu près les mêmes valeurs et les mêmes points de vue, et donc forcément ne confrontait pas les idées des gens les uns avec les autres. C'est pour ça que j'ai envie de te poser la question suivante. Comment est-ce que tu fais, toi, pour te confronter à une autre vision que la tienne ? D'où tu sors cette information que tu trouves que les gens ne sont pas assez, ça accepte pas assez les différences au fond. D'où tu sors ça ? C'est un peu une question piège en vrai parce que je sais pas vraiment d'où je sors ça, mais on va dire de manière générale, ça peut être une personne que je connais qui partage quelque chose sur un réseau social. Je suis encore sur des réseaux sociaux, mais... Tu comprends ce que je veux dire, tout le monde comprend là. Je comprends la question, mais par contre, je suis pas capable d'y répondre parce que peut-être parce que tu fais partie, t'as plusieurs petites niches, quoi. Tu vois, t'as plusieurs petites niches et tu t'entends. En fait, t'entends dans cette niche-là, non ? Oui, je pense que tout à fait. Et puis, oui, c'est ça. Des, des groupes de personnes différentes qu'on fréquente ou plus ou moins souvent. Ça c'est sûr, ça c'est vraiment vrai, vrai, vrai. On est dans des niches, c'est ouais. Tellement vrai. L'entre-soi, c'est vrai. Hein. Bon les amis, je vous remercie beaucoup. On a joué un petit peu, le jeu de qu'on s'aime et qu'on. Hein. Non mais je sais pas comment, moi aussi des fois peut-être je suis mal à l'aise avec ça, mais c'est vrai que ouais. C'est ça le problème, c'est qu'on est mal à l'aise avec les sentiments positifs, je trouve. On a perdu cette habitude et parfois ce qu'on vient de dire là, on se sent un petit peu con et un peu mal à l'aise. C'est galvaudé, tu vois. Ouais. Mais c'est triste, alors que. Enfin, c'est con, c'est basique, mais ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Et comme disait Gaël, moi, j'en ai rien à foutre de quelqu'un qui est homosexuel, transgenre, tout. Rien à foutre. Enfin, je veux dire, à partir du moment où la personne vit bien la chose, vit sa chose, et ne vient pas m'imposer en me disant, tu sais, ça c'est la... En fait, c'est juste ça, c'est ne pas imposer à l'autre ta vision des choses, quoi. Voilà, c'est juste. Échanger, partager. Merci à vous, les amis.